On a cette force de vivre, on lutte parce qu'il nous faut. Car on vient du ghetto. On mène une tag life, mais on la vit par défaut. Parce qu'on vient du ghetto. On garde la tête haute, on sera jamais soumis. Et on luttera jusqu'à la mort. On a nos modes, nos codes, nos rêves, nos envies. Plus ils nous font mal et plus on est fort. On vient chanter pour les jeunes du quartier. Pour tous ceux qui restent au fort. Représenter pour les jeunes des cités. Et même si l'espoir se fane, je continuerai à chanter mes joies, mes larmes, ma vie, ma peau. Parce qu'on vient du ghetto. Ouais, on chante nos peines. Succès avec ghetto. Si ma plume réanime l'espoir du ghetto. C'est que plus que la frime, ce qui m'anime, c'est l'amour du ghetto. J'suis trop fier de venir du ghetto. Même si j'y ai souffert, j't'assure, j'ai appris trop de choses dans le ghetto. Quand t'as survécu au ghetto, tu peux faire face à ce monde car t'as l'intelligence du ghetto. N'écoute pas tout ce qu'ils disent sur mon ghetto. La misère nous unit ou nous divise dans le ghetto. Tout cas dans mon ghetto. Malgré nos différences, on vit ensemble et tu ne vois ça que dans le ghetto. Pas question de renier mon ghetto. Ma carrière a été portée par le ghetto. Même si je rêve d'emmener les miens loin du ghetto. Mon cœur battra toujours pour le ghetto. Et même si l'espoir se fane, je continuerai à chanter mes joies, mes larmes, ma vie, ma peau. Parce qu'on vient du ghetto. Yeah. Ouais, on chante nos peines, nos vies, nos peaux. Parce qu'on vient du ghetto. Mais t'inquiète, je suis ghetto. Je suis instruit, mais pourtant je viens du ghetto. Je suis ambitieux, mais comme tous les mecs du ghetto. Généreux, même avec peu, j'ai la mentalité du ghetto. Malgré la rage du ghetto, je fais face au naufrage avec le courage du ghetto. Ma poésie vient du ghetto. S'élève du sol, s'envole et donne des ailes à mon ghetto. Ne parle pas que du pire quand tu parles de mon ghetto. N'éteins pas le sourire de mon ghetto. Crime, stupide, violence, on le sait, c'est ghetto. Comme ça, t'as peu de chance de sortir vivant du ghetto. J'suis trop vrai, j'ai grandi dans le ghetto. L'illicite n'est qu'un orage dans le désert du ghetto. Casque intégral, mort brutal, ghetto. Et même si l'espoir se fane, j'continuerai à chanter mes joies, mes larmes, ma vie.